Je la vis plusieurs fois seule de cette manière, sans que jamais un mot, un geste, un regard même trop expressif, marquât entre nous la moindre intelligence. Cet état, très tourmentant pour moi, faisait cependant mes délices, et à peine dans la simplicité de mon cœur, pouvais-je imaginer pourquoi j'étais si tourmenté. Il paraissait que ces petits tête-à-tête ne lui déplaisaient pas non plus, du moins, elle en rendait les occasions assez fréquentes. Soin bien gratuit assurément de sa part, pour l'usage qu'elle en faisait, elle m'en laissait faire. Un jour, qu'ennuyée des socologues du commis, elle avait monté dans sa chambre, je me hâtai, dans l'arrière-boutique où j'étais, d'achever ma petite tâche et je la suivis. Sa chambre était entr'ouverte. J'y entrai sans être aperçu. Elle brodait, près d'une fenêtre, ayant, en face, le côté de la chambre opposé à la porte. Elle ne pouvait me voir entrer, ni m'entendre, à cause du bruit que des chariots faisaient dans la rue. Elle se mettait toujours bien. Ce jour-là, sa parure approchait de la coquetterie. Son attitude était gracieuse. Sa tête un peu baissée laissait voir la blancheur de son cou. Ses cheveux, relevés avec élégance, étaient ornés de fleurs. Il régnait, dans toute sa figure, un charme que j'eus le temps de considérer et qui me mit hors de moi. Je me jetai à genoux, à l'entrée de la chambre, en tendant les bras vers elle, d'un mouvement passionné, bien sûr qu'elle ne pouvait m'entendre, et ne pensant pas qu'elle pût me voir. Mais il y avait à la cheminée une glace qui me trahit. Je ne sais quel effet ce transport fit sur elle. Elle ne me regarda point, ne me parla point. Mais, tournant à demi la tête, d'un simple mouvement de doigt, elle me montra la natte à ses pieds. Tressaillir, pousser un cri, m'élancer à la place qu'elle m'avait marquée, ne fut pour moi qu'une même chose. Mais, ce qu'on aurait peine à croire est que dans cet état, je n'osais rien entreprendre au-delà, ni dire un seul mot, ni lever les yeux sur elle, ni la toucher même, dans une attitude aussi contrainte, pour m'appuyer un instant sur ses genoux. J'étais muet, immobile, mais non pas tranquille assurément. Tout marquait en moi l'agitation, la joie, la reconnaissance, les ardents désirs, incertains dans leur objet et contenus par la frayeur de déplaire sur laquelle mon jeune cœur ne pouvait se rassurer.